Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te détruire. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus bon que ton. Y avoir dans le ciel quand nous disons et que nous sommes sincères et que nous disons à notre Seigneur, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Combien il doit y avoir de la joie dans le ciel au moment où nous prenons cette décision d'être vraiment à lui. Le moment où nous choisissons de suivre le chemin étroit, ce chemin étroit qui conduit au royaume de Dieu. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Le seul chemin étroit. Le chemin, la vérité et la vie. Ce soir, j'aimerais vous parler de la pluie que le puissant prophète a demandé il y a maintenant un peu plus d'un mois. Et 12 heures plus tard, la pluie est venue, alors que les spécialistes disaient « c'est seulement en avril qu'il pleuvra ». Les animaux mouraient de faim et de soif. Maintenant, le Seigneur envoie la pluie. Oui, le Seigneur envoie cette merveilleuse pluie qui nous sort de la détresse. Parce que son serviteur, le puissant prophète Dr. Howard, lui a demandé la pluie. Alors le Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste, a répondu à sa prière. Le prophète de la pluie a demandé la pluie et la pluie est venue. L'herbe va commencer à pousser. Le Seigneur est si bon de venir à notre secours à travers son puissant prophète. Le Dieu Tout-Puissant a ouvert la vanne de l'entrepôt de réserve d'eau qu'il a dans les cieux. Depuis la création, notre Dieu Tout-Puissant veille à nous fournir en eau, là, sur cette terre où nous sommes. Oui, cette terre que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a dû maudire. Lisons dans Genèse, chapitre 3, le verset 17. Il dit à l'homme: parce que tu as écouté la voix de ta femme, donc Ève, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dieu avait planté un jardin en Éden, et il avait donné ce commandement à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et voilà ce qui a entraîné la malédiction de notre terre. Et la mort est venue jusqu'à ce que notre Seigneur ait vaincu la mort et vienne pour nous donner à nouveau cette vie éternelle que nous avons en lui. Et j'espère que vous avez aussi entendu parler du prochain rassemblement qui aura lieu à Mombasa, une grande ville du Kenya au bord de l'océan Indien. Et vous aurez cette possibilité, vous qui écoutez la radio par Internet, vous aurez la possibilité de pouvoir suivre ces 3 jours de conférences qui seront diffusées à la radio et, sauf erreur, sur une chaîne de télévision, ce qui veut dire que vous pouvez suivre en vidéo. Ces 3 jours merveilleux où le puissant prophète, le prophète de la pluie, pourra nous aider à en savoir plus sur l'entrée de l'Église dans le royaume de Dieu, sur ce retour très prochain de notre glorieux Seigneur Jésus qui vient chercher son Église. Ces conférences seront un rafraîchissement, une raison de plus de s'engager pour notre Seigneur, de nous consacrer à lui, d'avoir nos regards vers lui. Hier soir, l'évêque qui est responsable dans cette région de Mombasa a appelé pour nous dire comment il se préparait pour ce jour, ces 3 grands jours à Mombasa. Et une autre évêque a appelé. Elle avait un puits qu'elle a fait creuser et ce puits pour lequel elle avait payé cher ne donnait que de l'eau salée et même malodorante et elle ne pouvait l'utiliser que pour nettoyer la maison. Cette eau n'était pas potable et cette personne a demandé à l'homme de Dieu de prier pour cette eau, pour l'eau de son puits. Vous savez, comme vous avez dans la parole de Dieu, déjà à la traversée du désert, quand ils ont trouvé les eaux de Mara. Là, le Seigneur a indiqué une solution pour rendre cette eau buvable. Et tout le peuple d'Israël a pu se désaltérer avec cette eau qui avait été amère et que le Seigneur a rendue potable. Eh bien, le Seigneur a renouvelé le miracle de l'eau ici à Mombasa. Ce puits qui, depuis 3 ans, ne donnait que de l'eau qui était imbuvable, eh bien, cet évêque a pris une bouteille de cette eau, l'a envoyée au puissant prophète, et là, le prophète a simplement dit « Tout va bien ». Et ensuite, il a fait boire de cette eau au seigneur archevêque. et cette eau était buvable. Et là, plusieurs ont encore bu de cette eau, et même quelqu'un a pris 100 litres de cette eau pour l'amener à Nairobi, où l'eau de son puits était salée. Il a versé un peu de cette eau dans son puits, et maintenant, l'eau de son puits n'est plus salée. Ils ont même pris encore de cette eau du puits pour un autre puits, et cet autre puits a aussi de l'eau maintenant qui est buvable. Combien le Seigneur se manifeste merveilleusement à travers son puissant prophète, l'Élie dont il est parlé dans Matthieu 17. Il est parlé de l'Élie qui rétablira toutes choses. Il est parlé aussi dans les deux derniers versets de l'Ancien Testament. Ces deux versets disent, c'est donc le livre de Malachie, chapitre 3, versets 23 et 24. Le Seigneur dit, « Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, ce jour de l'enlèvement de l'Église. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Voilà ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Et c'est le rôle du puissant prophète du Seigneur. Il est aussi parlé de lui dans Apocalypse chapitre 11. Vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 11, verset 3. « J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Au verset 5, « Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. » Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Vous pouvez lire aussi dans ce Apocalypse chapitre 11. Et nous savons que le prophète, le puissant prophète du Seigneur ne sera pas enlevé avec les autres chrétiens. Il a une mission en Israël. Et nous pouvons lire sur cette mission dans Apocalypse chapitre 11. Et nous savons qu'à plusieurs reprises, le puissant prophète du Seigneur a été transporté dans les lieux célestes. Il a été transporté devant la salle du trône de Dieu. Tout comme l'apôtre Paul, quand il disait qu'il a été jusqu'au troisième ciel et qu'il a vu des choses qu'il lui est interdit de rapporter ici-bas. Et maintenant, nous pouvons voir que juste la présence du puissant prophète et des guérisons se passent. Des aveugles voient, des sourds entendent, des muets parlent, des paralytiques marchent. Est-ce que nous ne voyons pas là que le Seigneur agit à travers cet homme de Dieu? Est-ce que ça n'est pas pour nous une occasion de revenir auprès de notre Père Céleste, de nous mettre à genoux devant sa présence et de choisir de vivre une vie de droiture et d'honnêteté et de sainteté devant lui. Nous avons besoin de nous repentir et de venir aux pieds de celui qui, à la croix, nous a acquis ce vêtement de justice, que nous pouvons revêtir et choisir la vie en lui. Ce vêtement dont nous avons besoin pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce vêtement que nous avons besoin de conserver sans tache, que nous avons besoin de sans cesse laver. Ils ont lavé leurs vêtements. Voilà ce qu'il est dit dans Apocalypse. Et le sang de Jésus est là pour nous purifier de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, si nous choisissons la vie en Jésus, Vous voyez, ils sont plusieurs. Tout le monde crie « Glorie, glorie, glorie, gloire, gloire, gloire ». Un infirme a marché, voilà ce que le prophète dit. Un autre infirme ici a marché. Des infirmes marchent. Le puissant prophète dit « Voyez ma fille, voyez ce jeune homme ». Et tous en cœur crient « Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus ». Et après « Gloire, gloire, gloire, Utufuku en Swahili ». Gloire en Swahili, Utufuku. Est-ce que ça n'est pas merveilleux? Est-ce que ça n'est pas merveilleux d'assister à quelque chose tellement grand? Et attention à notre responsabilité, parce que Jésus a dit, si les miracles qui se sont passés pendant qu'il était sur terre, bien des fois il guérissait tous les malades quand les foules venaient, et bien dans ces villes, comme Capernaum, la ville de Jésus, et bien là, Jésus dit, si les miracles qui ont été faits ici à Capernaum avaient été faits à Sodome, ils se seraient repentis. Alors nous, venons au Seigneur, parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour tous les autres, presque 100, qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, amenons de la joie dans le ciel par notre repentance. Amenons de la joie. Ayons un moment d'adoration et après, nous écouterons un message du Seigneur dit par le puissant prophète Dr. Howard. Tu es le Dieu très saint, un feu ardent et pur, vêtu de majesté, Seigneur, tu resplendis. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées sont plus élevées. Seigneur, tu es la source d'amour, de vérité. Nous crions Répéter qu'il est saint, mais combien nous avons besoin d'être saints nous aussi, parce qu'il dit « Soyez saints, car je suis saint ». Alors, regardons notre Seigneur et laissons le monde, n'imitons plus le monde et sa décadence. Voilà le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Precious people. Précieuses personnes. In Zechariah 3:3. Dans Zacharie 3:3. As you read down from there. Comme vous lisez de là, plus loin. You find. Vous trouverez. That Joshua. Que Josué. Joshua is there. Josué est là. Appeared before the Lord. Apparaissant devant le Seigneur. And when he appeared before the Lord. Et quand il est apparu devant le Seigneur. That scripture says, ce texte dit, he appeared with filthy garments. Il est apparu avec des vêtements sales. And look at this now. Et voyez ça maintenant. When he appeared, quand il est apparu with filthy garments, avec des vêtements souillés, the devil also appeared here. Le diable aussi est apparu ici. And the devil began to claim right over him. Et le diable a commencé à réclamer des droits sur lui. Legal right, droit légal, birth right, droit de naissance, right of association, droit d'association, friendship right, droit d'amitié, professional, I don't know whichever right, professionnel, je ne sais pas quel autre droit. Why? Pourquoi? Because. Parce que. Joshua there represents the state of Israel. Josué là représente l'état d'Israël. A holy nation, la sainte nation, a priestly nation, une nation sacerdotale, that when they worship the God of Israel that came down here, que lorsqu'ils adorent le Dieu d'Israël qui est descendu ici, that heals cripples and so forth and does those things there, qui guérit les infirmes et encore et qui fait ces choses là, then the other nation, alors les autres nations, will see and say wow, verront et diront wow. He is a good God. Il est un Dieu bon. Do you remember that? Vous souvenez-vous de ça? Does somebody remember that? Est-ce que quelqu'un se souvient de cela? Hey, this blind man whose eyes opened. Cet homme aveugle dont les yeux sont ouverts. You did not see what I was seeing. Vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. As I was putting the microphone next to his mouth. Comme je mettais le microphone près de sa bouche. He was doing this. Il faisait ça. He was discovering things with his sight. Il découvrait des choses avec sa vue. And he was doing this. Et il faisait cela. Wow. Wow. He's a good God. C'est un Dieu bon. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. He shocked me. Il m'a choqué. He's saying, il dit, that Israel was supposed to be like that. Qu'Israël était supposé être comme ça. That when they worship the God of Israel correct, que lorsqu'ils adorent le Dieu d'Israël correctement, they were given the priestly garment. Ils recevaient le vêtement sacerdotal. Fine linen, white and clean. Du fin lin, éclatant et pur. That if they worship correct, mais s'ils adorent correctement, then other nations will see. Alors les autres nations verront that when they worship, que lorsqu'ils adorent, there are some benefits, il y a quelques bénéfices of worshiping the God of Israel, dans l'adoration du Dieu d'Israël, whereby now, dans lesquels maintenant, wow, he's a good God. Wow, il est un Dieu bon. But when they would see that, mais quand ils verront ça, they would also long to worship the God of Israel. Ils vont aussi vouloir adorer le Dieu d'Israël. But also there, mais là aussi, when now he darkens the garment, où maintenant il a sali le vêtement, then you see the enemy accuses him. Ensuite, vous voyez l'ennemi l'accuser. And the Lord rebukes him. Et le Seigneur le réprime. The Lord rebuke you, Satan. Il dit, le Seigneur te réprime, Satan. Isn't this man a burning stick? Cet homme n'est-il pas un tison snatched from the fire, arraché du feu? Meaning this man has a mission. Ce qui veut dire que cet homme a une mission. Now listen to this. Maintenant, écoutez ça. That is so important for the church. C'est si important pour l'Église. The Lord is saying, le Seigneur dit that many times, que bien des fois, when you look at the church today, quand vous voyez l'Église aujourd'hui, and you look at her identity, et vous voyez son identité, sometimes it's tremendous. Quelquefois c'est extraordinaire. There are many countries I can mention, from Nigeria, Lagos. Les nombreuses contrées que je peux mentionner, comme le Nigeria, Lagos, all the way to Punta del Este in Uruguay, tout le chemin à Punta del Este en Uruguay. But the dream I had was in Montevideo, Punta del Este. Mais le rêve que j'ai eu était à Montevideo, Punta del Este. So listen to this now. Donc, écoutez ça maintenant. Because I was going around Uruguay, parce que j'étais en tournée en Uruguay, on this long journey that the Lord has put me on, dans ce grand voyage dans lequel le Seigneur m'a mis. And then I was going to a big meeting organized in Punta del Este. Et ensuite, j'allais à un grand rassemblement organisé à Punta del Este. So in the dream, donc, dans le rêve, I saw two doors. J'ai vu deux portes. And I saw people entering this door. Et j'ai vu des gens entrer par cette porte. And this door. Et cette porte. Then I asked the Lord, ensuite, j'ai demandé au Seigneur, but which is the church? Mais laquelle est l'église? I asked the Lord, j'ai demandé au Seigneur, because parce que the people going in look the same, so I did not know. Les gens qui entrent se ressemblent. Alors, je ne savais pas. I thought there were two doors for the same place. J'ai pensé qu'il y avait deux portes pour le même endroit. So when the pastors that were hosting me there now were driving me to that place. Alors, les pasteurs qui m'accueillaient là maintenant me conduisaient à cet endroit. When we reached there, I was shocked. Quand nous sommes arrivés là, j'ai été choqué. As we were just parking like this, comme nous étions juste en train de parquer comme ça, then I saw the two doors. Ensuite, j'ai vu les deux portes. One of them was leading to a discotheque. L'une d'entre elles conduisait à une discothèque. The other one was leading to the church, the meeting I was going to. L'autre conduisait à l'église, la réunion où j'allais. I was shocked. J'ai été choqué. And when I looked there, et quand j'ai regardé là, I saw people dressed in the same way entering the two doors. J'ai vu des gens habillés la même chose entrer par les deux portes. Christ, the Son of the Living God. Christ, le Fils du Dieu vivant. Came from glory. Est venu de la gloire. And died here. Et est mort ici. For you. Pour vous. That death was not in vain. Cette mort n'a pas été en vain. He paid the ultimate price for you. Il a payé le prix ultime pour vous. There is no way. Ce n'est pas possible. This current state of the church is justified. Que cet état actuel de l'église soit justifié. The church can never look the same as the world. L'église ne peut jamais ressembler au monde. That's why this message is important. C'est pourquoi ce message est important. The return to righteousness. le retour à la justice. Only righteousness makes the church unique. La justice seule rend l'Église unique. Listen to me. Écoutez-moi. The salvation of Jesus on the cross. Le salut de Jésus sur la croix. Minus righteousness. Moins la justice. Is no salvation. N'est pas le salut. So let us be careful. Donc, soyons prudents. Let us make sure that we live a separated life. Assurons-nous de vivre une vie séparée. Separated. Séparée. Don't buy into this world. N'achetez pas dans ce monde the moral decay, la décadence morale and the immorality of this world, et l'immoralité de ce monde. There is fasting here. Il y a un jeûne dans la crainte. And I'm talking about dry fast. Et je parle du jeûne sec. So, donc, that is one of the ways in which the church can observe separation. C'est une des manières dans laquelle l'Église peut observer la séparation. The Lord is announcing the hour of the garment. Le Seigneur annonce l'heure du vêtement. You are a beautiful generation. Vous êtes une belle génération. You are the generation of the garment. Vous êtes la génération du vêtement. You are a wonderful church. Vous êtes une église merveilleuse. You are the church that prepares the garment of the Lord. Vous êtes l'église qui prépare le vêtement du Seigneur. You are the people of the garment. Vous êtes les gens du vêtement. You are the people that can prepare righteousness. Vous êtes les gens qui peuvent préparer la justice. And remove Jesus from shame. Et sortir Jésus de la honte. When Jesus died on the cross, quand Jésus est mort sur la croix, the devil laughed. Le diable riait. But now, mais maintenant, when he comes back, quand il revient, it would be a tragedy. Ça serait une tragédie. For the devil to laugh again. Que le diable rie à nouveau. There is another garment. Il y a un autre vêtement. It is called the garment of harlotry. Qui s'appelle le vêtement de la prostitution. It is purple. Il est pourpre. There is another garment. Il y a un autre vêtement. That the church is wearing now. Que l'église revêt maintenant. And it's not right. Et ce n'est pas juste. Alléluia. Alléluia. Revelation 18:16. Apocalypse 18:16. He says. Il dit. They will weep and mourn. Ils pleureront et se lamenteront. And cry out. Et crieront. Woe, woe, O great city. Malheur, malheur, ô grande ville. Dressed in fine linen, purple and scarlet. Vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate. Glittering with gold and name it. Pareil d'or et nommez-les. So there are only two garments. Donc, il y a seulement deux vêtements. There are only two garments. Il y a seulement deux vêtements. Either you are wearing the fine linen, bright and clean. Ou bien vous portez le fin lin éclatant et pur. Or you are wearing lino finissimo, fine linen. Ou bien vous portez le fin lin, purple and scarlet, pourpre et écarlate. In other words, en d'autres termes, there is no middle ground in salvation. Il n'y a pas de terrain du milieu dans le salut. There is no neutral zone in salvation. Il n'y a pas de zone neutre dans le salut. Either you are born again, ou bien vous êtes né de nouveau, and living according to this word, et vivez en accord avec cette parole, and this word says, et cette parole dit, be holy, soyez saint, for I am holy, car je suis saint, be holy, soyez saint, for I am holy, car je suis saint. Be holy. Sois saint. Because the Lord thy God. Parce que le Seigneur ton Dieu is holy. Est saint. There is no middle ground. Il n'y a pas de terrain du milieu. In salvation. Dans le salut. Either Jesus removed you from death to eternal life. Ou bien Jésus vous sort de la mort pour la vie éternelle. Or you are still here in death. Ou bien vous êtes encore là dans la mort. You cannot say, vous ne pouvez pas dire that Jesus did not have enough power, que Jésus n'a pas eu assez de pouvoir to remove me totally, pour me sortir totalement from death to eternal life. De la mort pour la vie éternelle. Look now. Voyez maintenant. I am born again. Je suis né de nouveau. But I'm in the middle ground. Mais je suis dans le terrain du milieu. You are wearing the world. Vous vous revêtez du monde. Living the world. Vivez le monde. And trying to mix with salvation. Et essayez de mélanger ça avec le salut. You are in the middle. Vous êtes au milieu. He say, il dit, there are only two garments. Il y a seulement deux vêtements. Either you are wearing fine linen, bright and clean. Ou bien vous revêtez le fin lin éclatant et pur. The garment of salvation. Le vêtement du salut. Oh, you are wearing the garment of Satan. Ou vous revêtez le vêtement de Satan. He say, il dit, it is time for the church to cross over. C'est le moment pour l'église de traverser. You cannot mix salvation. Vous ne pouvez pas mélanger le salut with the immorality that you see in Nairobi here. Avec l'immoralité que vous voyez à Nairobi ici. Oh, oh, how abominable. Combien abominable. You cannot mix salvation. Vous ne pouvez pas mélanger le salut of Christ Jesus de Jésus-Christ with homosexuality. Avec l'homosexualité. False prophets. Les faux prophètes. They're counting money. Ils comptent l'argent, preaching money, prêchent l'argent, living lies, vivant dans le mensonge, false apostles, faux apôtres. They are taking things, ils prennent des choses from evangelists, des évangélistes who come from abroad, qui viennent de l'étranger. They are taking money, ils prennent l'argent from people, des gens that need salvation, qui ont besoin du salut. Il dit, time has come, le temps est venu to discard, de renoncer sin, au péché and to embrace, et d'embrasser righteousness, la droiture. Because, parce que never ever, jamais, never ever, jamais, has the Bible said, la Bible l'a dit, that Jesus, que Jésus removed us, nous a sortis from darkness, des ténèbres, to gray area, pour une zone grise. Never, jamais, he removed us, il nous a sortis from darkness, des ténèbres, to light, pour la lumière. Be born again. Soyez nés de nouveau. Make sure you are born again. Assurez-vous d'être nés de nouveau. For me, pour moi, I'm so happy. Je suis si heureux. I'm so blessed. Je suis tellement béni. That the evidence of my oracles, de ce que l'évidence de mes oracles, is the Lord visiting people. C'est le Seigneur qui visite les gens. For this way, car ce chemin is the correct way, est le chemin correct. Righteousness, la justice, is eternity. C'est l'éternité. Précieux auditeurs, la justice, c'est l'éternité. Il n'y a pas de chemin entre deux. Il n'y a pas de zone grise. Quand le Seigneur nous sort des ténèbres, c'est pour nous amener dans la lumière. Alors, marchons dans la lumière. Marchons en nouveauté de vie. Marchons remplis de l'Esprit. Marchons en suivant notre Maître. Marchons les yeux fixés sur lui. Refusons une demi-vie. Venons sans cesse aux pieds de notre Seigneur pour encore lui demander « Est-ce que je suis là où tu me veux ? Est-ce que je suis dans la sainteté, dans la justice ? Est-ce que je marche comme tu veux que je marche ? Combien nous avons besoin de nous approcher et de nous approcher encore de lui, de renoncer à notre propre vie, parce que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alors, n'hésitons pas à perdre notre vie pour embrasser celle de notre Seigneur, pour embrasser ce chemin étroit. Parce que il y a seulement deux chemins. Il y a le chemin large qui mène à la perdition et le chemin étroit qui mène au royaume de Dieu. Est-ce que nous avons les yeux fixés sur ce royaume? Est-ce que nous savons ce que c'est le bonheur éternel, la joie éternelle, la félicité éternelle, et surtout d'avoir pour roi ce Seigneur si merveilleux que nous aurions voulu rencontrer quand il était sur terre? Mais il dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que là, vous aurez le Consolateur, le Saint-Esprit qui est là sur la terre pour nous éclairer, pour nous révéler encore plus de Jésus. Vous avez vu que il y a aussi deux vêtements. S'il y a deux chemins, il y a aussi deux vêtements. Ce vêtement éclatant et pur que le Seigneur nous a acheté à la croix, et ce vêtement, et vous avez entendu, le prophète dit, le vêtement que l'Église porte, le vêtement de la prostitution. Parce que l'Église se prostitue avec les mensonges, avec le faux évangile, avec l'amour de l'argent. Voilà des dieux qui sont de la prostitution aux yeux de notre Père Céleste. Craignons le seul vrai Dieu. Veillons à rester fidèles à sa parole. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, précieux auditeurs, considérons ce vêtement écarlate et pourpre, ce vêtement de la bête, et détournons-nous de tout ce qui pourrait nous attirer vers ce monde de ténèbres, parce que le Seigneur Jésus, il est le prince de la vie. Tournons-nous vers la vie et laissons les ténèbres, laissons l'enfer. Oui, le ciel est tellement meilleur. C'est tellement beau d'avoir une espérance, de savoir que le royaume de Dieu est pour nous. Nous sommes les héritiers du royaume si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans l'obéissance, si nous laissons l'évangile tuer en nous ce qui est mortel, détruire en nous ce qui est périssable, enlever en nous ce qui est corruptible, pour revêtir l'incorruptibilité, parce que nous savons que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ayons maintenant un moment d'adoration. Sois le sang. Oui, il veut être le centre de notre vie. Il dit, le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, il dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués de cette décadence morale, de cet amour de l'argent, chargés de trop de péchés. Et notre Seigneur promet, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Il a donné sa vie pour nos péchés, pour notre pardon, pour que nous soyons restaurés des nouvelles créations en lui. Combien il est bon, combien ça lui a coûté notre salut. Ne le négligeons pas, parce que si vous vous souvenez du début du message, le puissant prophète nous a lu dans le livre de Zacharie, chapitre 3, comment Josué avait un habit sale. Alors, si nous avons opté pour le vêtement du Seigneur, le vêtement de justice, veillons maintenant à le garder propre, à le laver par la repentance. Oui, nous avons besoin sans cesse de revenir à lui, de nous couvrir à nouveau de son sang. Nous avons besoin de demeurer en lui. Il nous veut saints, il nous veut propres, il nous veut laver par son sang précieux. Auditeurs bien-aimés, le temps passe et nous voulons adorer pour un moment. Et ensuite, si vous désirez consacrer votre vie au Seigneur, vous pourrez prier avec moi. Louons le Seigneur. Pour l'adorer, car il est saint, saint, saint, saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint, car il est saint. Oh, Si vous avez choisi de laisser votre vie de péché, de renoncer à voir des films pleins de violence et d'adultère, si vous renoncez à avoir des pensées qui vous éloignent du Dieu vivant, si vous avez choisi de vous détourner de la méchanceté et des mauvaises choses qui sont autour de vous dans le monde, alors venez, venez à Jésus à travers cette prière. Seigneur Jésus, je viens à tes pieds pour que tu me pardonnes des péchés sexuels, des mensonges, des méchancetés. Seigneur Jésus, je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Roi et mon Sauveur. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Dans le puissant nom de Jésus, amen. Précieux auditeurs, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez écrire un message sur votre téléphone et l'envoyer au plus 254 712 944 578. Vous pouvez aussi écrire un mail sur votre ordinateur et l'envoyer à jesusislord, J-E-S-U-S-I-S-L-O-R-D, .fmradio@gmail.com, ou bien alors écrire un texte sur votre téléphone, vous l'envoyez à plus 254 727 50 30 30. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Pasteur Yvonne Auguet. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Pensez de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux.